fatigue. Nos efforts sont couronnés de succès. Mais le moment est venu de se quitter. Mes amis, au revoir. La fin des classes vient nous séparer. Je vous souhaite à tous bonnes vacances. Mais je vous quitte le cœur plein de chagrin. Nous voilà libres pour les vacances. Nous prenons un repos bien mérité. Mes amis, au revoir. La fin des classes vient nous séparer. Je vous souhaite à tous bonnes vacances. Mais je vous quitte le cœur plein de chagrin. Abidjan, Bamako, Lomé, Cotonou, Dakar, et même Yaoundé, en passant par Ouagadougou. Nous irons tous en Afrique. défilé, soldats n'est l'école Kamba, la kakwara ton abeti ton yes, jeunesse comme ma fara bébé, yabam la ton tinga terrien. Vive l'indépendance, vive la liberté, vive l'indépendance, vive la liberté. Il y a haute volta drapeau. Il m'en a un caïn loulouri. Il y a rien, la tonne au fourreau. Vive l'indépendance, vive la liberté. Vive l'indépendance, vive la liberté. bambake bele bele we para di bambake mile mile yeti don ya ya don get say you do wan get me be that she say yella wotu wa adapa ka sunwa o karaba adina nam sarapa yella wotu wa adapa ka sunwa o karaba adina nam sarapa Sama circulation. Yella wotwa adapa katunwa bok sarba adina sibgarapa yella wotwa adapa katunwa bok sarba adina sibgarapa yella wotwa adapa katunwa bok sarba adina sama circulation yella wotwa adapa katunwa bok sarba adina sama circulation Sir Bizili Oh mes amis, vous savez bien que notre vie est c'est compliqué qu'on se débrouille pour nos jeunes filles. Mais certaines ne sont pas fidèles. Voici l'histoire d'un pauvre gars qui a aimé sans être aimé. Chaque jour, dans sa chambre, Raphaël mourait de chagrin. Il a laissé tout son argent chez Christine, sa bien-aimée, qu'il a sucé bien gentiment et qui rejette son amour. Ah ah. Ensemble, il la prenait dans ses bras. Il lui disait, chérie, je t'aime. Elle répliquait, je t'adore. Ils s'étaient promis tous les deux qu'ils allaient se marier. Mais Raphaël, n'ayant plus d'argent, sa bien-aimée lui a dit adieu. Ah ah ah. Maintenant dans nos cités, certaines filles font des filles. Elles se servent de leur charme pour séduire tous les garçons. Et ces filles le plus souvent, quand on veut les satisfaire, elles profitent vider les poches avant de fausser compagnie. Ah ah. Complètement ruiné, pauvre Raphaël. Il fallait te méfier d'elle, pauvre Raphaël. Car c'est la nouvelle marque de fille, pauvre Raphaël. La fille à l'amour commercial, pauvre Raphaël. Elle aussi sait, puis elle s'envole, pauvre Raphaël. S'envole comme un oiseau, pauvre Raphaël. Vous laissant dans des problèmes. Pauvre Raphaël, hey, pauvre Raphaël, hey, pauvre Raphaël, oublie toutes tes peines et la vie te sourira. Oui, c'est vrai, il y a des moments où la vie est insupportable et l'on se demande s'il faut vivre encore ou mourir. Mais tu comprends bien, on ne peut rien contre la nature. Il faut tout accepter et poursuivre avec courage. Oublie, sèche tes larmes, ferme les yeux sur le passé. Oublie toutes tes peines et la vie te sourira. Que tu cries ou que tu pleures, tu ne changeras rien à cela. Tes soucis, tes nuits sans sommeil feront tes peines de demain. La route du bonheur est très longue, mon ami. Si tu abandonnes, c'est la vie qui rira de toi. Oublie, sèche tes larmes, ferme les yeux sur le passé. Oublie toutes tes peines et la vie te sourira. Se lamenter nuit et jour, les choses sont ainsi, c'est la loi de la nature. Oublie toutes tes peines et la vie te sera belle. Ferme les yeux sur le passé, car seul compte l'avenir. Oublie, sèche tes larmes, ferme les yeux sur le passé.